Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Voyage de Beyrouth à travers la Syrie et la Palestine à Jérusalem. Suite. 14 octobre 1832. Parti à 4h du matin pour le Mont Tabor, lieu désigné de la Transfiguration, chose improbable, parce que, à cette époque, le sommet du Tabor était couvert par une citadelle romaine. La position isolée et l'élévation de cette charmante montagne, qui sort comme un bouquet de verdure de la plaine d'Esdraélon, l'a fait choisir, dans le temps de Saint Jérôme, pour le lieu de cette scène sacrée. On a élevé une chapelle au sommet, où les pèlerins vont entendre le saint sacrifice. Nul prêtre n'y réside, ils y vont de Nazareth. Arrivé au pied du Tabor, superbe cône d'une régularité parfaite, revêtu partout de végétation et de chênes verts, le guide nous égare. Je m'assieds seul sous un beau chêne, à peu près à l'endroit où Raphaël place dans son tableau les disciples éblouis de la clarté d'en haut, et j'attends que le Père ait célébré la messe. On nous l'annonce d'en haut par un coup de pistolet, afin que nous puissions nous agenouiller sur les marches naturelles de cet autel gigantesque, devant celui qui a dressé l'étendue la voûte étincelante du ciel qui le couvre. À midi, parti pour le Jourdain et la mer de Galilée. Traversé à 1h les collines basses et assez ombragées, qui portent les pieds du mont Tabor. Entré dans une vaste plaine de 8 lieues de long sur au moins autant de large. Un camp ruiné au milieu d'architecture du Moyen Âge. Traversé quelques villages de pauvres Arabes qui cultivent la plaine. Chaque village a un puits situé à quelque distance, et quelques figuiers et grenadiers plantés non loin du puits. Voilà la seule trace du bien-être. Les maisons ne peuvent se distinguer qu'en approchant de très près. Ce sont des huttes de 6 à 8 pieds de hauteur, espèces de cubes de boue pétris avec de la paille hachée, formant le toit en terrasse. Ces terrasses servent de cour. Là sont tous leurs meubles, une couverture et une natte. Les enfants et les femmes s'y tiennent presque toujours. Les femmes ne sont pas voilées. Elles ont les lèvres teintes en bleu, le tour des paupières de la même couleur, et un léger tatouage peint autour des lèvres et sur les joues. Elles sont vêtues d'une seule chemise bleue, nouée d'une ceinture blanche au-dessus des hanches. Toutes ont l'apparence de la misère et de la souffrance. Les hommes sont couverts d'un manteau sans couture, d'une étoffe pesante, tissée de raies noires et blanches sans aucune forme, les jambes, les bras, la poitrine nue. Après avoir traversé, pendant une course de 6 heures, cette plaine jaunâtre et rocailleuse, mais fertile, nous voyons le terrain s'affaisser tout à coup devant nos pas, et nous découvrons l'immense vallée du Jourdain et les premières lueurs azurées du beau lac de Génézaret ou de la mer de Galilée, comme l'appellent les anciens et l'Évangile. Bientôt il se déroule tout entier à nos yeux, entouré de toutes parts, excepté au midi, d'un amphithéâtre de hautes montagnes grises et noires. À son extrémité méridionale et immédiatement sous nos pieds, il se rétrécit et s'ouvre pour laisser sortir le fleuve des prophètes et le fleuve de l'Évangile, le Jourdain. Le Jourdain sort en serpentant du lac, se glisse dans la plaine basse et marécageuse d'Esdraélon, à environ 50 pas du lac. Il passe, en bouillonnant un peu et en faisant entendre son premier murmure, sous les arches ruinées d'un pont d'architecture romaine. C'est là que nous nous dirigeons par une pente rapide et pierreuse, et que nous voulons saluer ces eaux, consacrées dans les souvenirs de deux religions. En peu de minutes nous sommes à ses bords, nous descendons de cheval, nous nous baignons la tête, les pieds et les mains, dans ces eaux douces, tièdes et bleues comme les eaux du Rhône quand il s'échappe du lac de Genève. Le Jourdain, dans cet endroit, qui doit être à peu près le milieu de sa course, ne serait pas digne du nom de fleuve dans un pays à plus large dimension, mais il surpasse cependant de beaucoup le Rota et le Céphise, et tous ces fleuves dont les noms fabuleux ou historiques retentissent de bonheur dans notre mémoire, et nous présentent une image de force, de rapidité et d'abondance, que l'aspect de la réalité détruit. Le Jourdain ici même est plus qu'un torrent, quoiqu'à la fin d'un automne sans pluie, il roule doucement, dans un lit d'environ 100 pieds de large, une nappe d'eau de 2 ou 3 pieds de profondeur, claire, limpide, transparente, laissant compter les cailloux de son lit, et d'une de ces belles couleurs qui rend toute la profonde couleur d'un firmament d'Asie, plus bleu même que le ciel, comme une image plus belle que l'objet, comme une glace qui colore ce qu'elle réfléchit. À 20 ou 30 pas de ses eaux, la plage, qu'il laisse à présent à sec, est semée de pierres roulantes, de joncs, et de quelques touffes de lauriers roses encore en fleurs. Cette plage a 5 à 6 pieds de profondeur au-dessous du niveau de la plaine, et témoigne de la dimension du fleuve dans la saison ordinaire des pleines eaux. Cette dimension, selon moi, doit être de 8 à 10 pieds de profondeur sur 100 à 120 pieds de largeur. Il est plus étroit, plus haut et plus bas dans la plaine, mais alors il est plus encaissé et plus profond, et l'endroit où nous le contemplions est un des 4 gués que le fleuve a dans tout son cours. Je bus dans le creux de ma main de l'eau du Jourdain, de l'eau que tant de poètes divins avaient bu avant moi, de cette eau qui coula sur la tête innocente de la victime volontaire. Je trouvai cette eau parfaitement douce, d'une saveur agréable, et d'une grande limpidité. L'habitude que l'on contracte dans les voyages d'Orient de ne boire que de l'eau, et d'en boire souvent, rend le palais excellent juge des qualités d'une eau nouvelle. Il ne manquerait à l'eau du Jourdain qu'une de ses qualités, la fraîcheur. Elle était tiède, et quoique mes lèvres et mes mains fussent échauffées par une marche de 11 heures sans ombre, par un soleil dévorant, mes mains, mes lèvres et mon front éprouvaient une impression de tiédeur en touchant l'eau de ce fleuve. Comme tous les voyageurs qui viennent, à travers tant de fatigues, de distances et de périls, visiter dans son abandon ce fleuve jadis roi, je remplis quelques bouteilles de ses eaux pour les porter à des amis moins heureux que moi, et je remplis les fontes de mes pistolets de cailloux que je ramassais sur le bord de son cours. Que ne pouvais-je emporter aussi l'inspiration sainte et prophétique dont il abreuvait jadis les bardes de ses sacrés rivages, et surtout un peu de cette sainteté et de cette pureté d'esprit et de cœur qu'il contracta sans doute en baignant le plus pur et le plus saint des enfants des hommes. Je remontai ensuite à cheval. Je fis le tour de quelques-uns des piliers ruinés qui portaient le pont ou l'aqueduc dont j'ai parlé plus haut. Je ne vis rien que la maçonnerie dégradée de toutes les constructions romaines de cette époque, ni marbre, ni sculpture, ni inscription. Aucune arche ne subsistait, mais 10 piliers étaient encore debout, et l'on distinguait les fondations de 4 ou 5 autres. Chaque arche, d'environ 10 pieds d'ouverture. Ce qui s'accorde assez bien avec la dimension de 120 pieds qu'à vue d'œil je crois devoir donner au Jourdain. Au reste, ce que j'écris ici de la dimension du Jourdain n'a pour objet que de satisfaire la curiosité des personnes qui veulent se faire des mesures justes et exactes des images même de leurs pensées, et non de prêter des armes aux ennemis ou aux défenseurs de la foi chrétienne, Arme pitoyable des deux parts. Qu'importe que le Jourdain soit un torrent ou un fleuve, que la Judée soit un monceau de roches stériles ou un jardin délicieux, que telle montagne ne soit qu'une colline, et tel royaume une province. Ces hommes qui s'acharnent, se combattent sur de pareilles questions, sont aussi insensés que ceux qui croient avoir renversé une croyance de 2000 ans, quand ils ont laborieusement cherché à donner un démenti à la Bible et un soufflet aux prophéties. Ne croirait-on pas, avoir ces grands combats sur un mot mal compris ou mal interprété des deux parts, que les religions sont des choses géométriques que l'on démontre par un chiffre ou que l'on détruit par un argument, et que des générations de croyants ou d'incrédules sont là toutes prêtes à attendre la fin de la discussion, et à passer immédiatement dans le parti du meilleur logicien et de l'antiquaire le plus érudit et le plus ingénieux? Stériles disputes qui ne pervertissent et ne convertissent personne. Les religions ne se prouvent pas, ne se démontrent pas, ne s'établissent pas, ne se ruinent pas par de la logique. Elles sont, de tous les mystères de la nature et de l'esprit humain, le plus mystérieux et le plus inexplicable. Elles sont d'instinct et non de raisonnement. Comme les vents qui soufflent de l'Orient ou de l'Occident, mais dont personne ne connaît la cause ni le point de départ, elles soufflent, Dieu seul sait d'où, Dieu seul sait pourquoi, Dieu seul sait pour combien de siècles et sur quelle contrée du globe. Elles sont, parce qu'elles sont, on ne les prend, on ne les quitte pas à volonté, sur la parole de telle ou telle bouche. Elles font partie du cœur même plus encore que de l'esprit de l'homme. Quel est l'homme qui dira « Je suis chrétien » parce que j'ai la telle réponse péremptoire dans tel livre, ou telle objection insoluble dans tel autre? Tout homme sensé à qui on demandera compte de sa foi répondra « Je suis chrétien » parce que la fibre de mon cœur est chrétienne. Parce que ma mère m'a fait sucer un lait chrétien, parce que les sympathies de mon âme et de mon esprit sont pour cette doctrine, parce que je vis de l'air de mon temps, sans prévoir de quoi vivre à l'avenir. On voyait deux villages suspendus sur les bords escarpés du lac de Génézareth, l'un à un quart d'heure de marche, en face de nous, de l'autre côté du Jourdain, l'autre à quelques centaines de toises sur notre gauche, et sur la même rive du fleuve. Nous ignorions par quelle race d'Arabes ces villages étaient habités, et nous avions été prévenus de nous tenir sur nos gardes, et de craindre quelques surprises de la part des Arabes du Jourdain, qui ne souffrent guère qu'on traverse impunément leurs plaines et leurs fleuves. Nous étions bien montés, bien armés, et la conquête rapide et inattendue de la Syrie, par Mehmed Ali, avait frappé tous les Arabes d'un tel éblouissement de peur et d'étonnement, que le moment était bien choisi pour tenter des excursions hardies sur leur territoire. Ils ignoraient qui nous étions, pourquoi nous marchions avec tant de confiance parmi eux, et ils pouvaient naturellement supposer que nous étions suivis de près par des forces supérieures à celles qu'ils pouvaient déployer contre nous. La peur du lendemain, la crainte d'une prompte vengeance assurait donc notre route. Dans cette pensée, j'allais camper audacieusement au milieu même du dernier village arabe dont j'ai parlé. Je n'en sais pas le nom, il est bâti, si l'on peut appeler maison un bloc informe de pierre et de boue, sur l'extrémité même de la plage élevée qui domine la mer de Galilée. Pendant que nos Arabes dressaient nos tentes, je descendis seul la pente escarpée qui mène au lac. Ils la baignaient en murmurant, et la bordaient d'une frange de légère écume qui s'évanouissait et se reformait à chaque retour de ses lames courtes et rapides, semblable aux lames d'une mer douce et profonde qui viennent mourir sur le sable dans le fond d'un golfe étroit. J'eus à peine le temps de me baigner dans ces eaux, théâtre de tant d'actions du grand poème moral moderne, l'Évangile, et de ramasser pour mes amis d'Europe quelques poignées de ces coquillages. Déjà le soleil était descendu derrière les hautes cimes volcaniques et noires du plateau de Tibériade, et quelques Arabes qui m'avaient vu descendre seuls et qui iraient sur la grève pouvaient être tentés par l'occasion. Mon fusil à la main, je remontai droit à eux. Ils me regardèrent, et me saluèrent en mettant la main sur leur cœur. Je rentrai dans les tentes, nous nous étendîmes sur nos nattes, accablés de lassitude, mais la main sur nos armes, pour être debout à la première alerte. Rien ne troubla le silence et le sommeil de cette belle nuit, où nous n'étions bercés que par le bruit doux et caressant des flots de la mer de Jésus-Christ contre ses rives. Par le vent qui soufflait par bouffées harmonieuses entre les corps tendus de nos tentes, et par les pensées pieuses et les souvenirs sacrés que chacun de ces bruits réveillait en nous. Le lendemain, à l'aurore, quand nous sortîmes des tentes pour aller nous baigner encore dans le lac, nous ne vîmes que les femmes des Arabes, peignant leurs longs cheveux noirs sur les terrasses de leurs chaumières, quelques pasteurs occupés à traire, pour nous, des vaches et des chèvres, et les enfants nus du village qui jouaient familièrement avec nos chevaux et nos chiens. Le coq chantait, l'enfant pleurait, la mère berçait ou allaitait, comme dans un hameau paisible de France ou de Suisse. Nous nous félicitâmes d'avoir risqué une course dans une partie de la Galilée si redoutée, si peu connue, et nous ne doutâmes pas que le même pacifique accueil ne nous attendît plus avant encore, si nous voulions nous enfoncer dans l'Arabie. Nous avions tous les moyens de traverser avec sécurité la Samarie et le pays de Naplouse, l'antique Sichem, par Monsieur Catafago, qui est tout puissant dans cette contrée, et qui nous offrait de nous faire annoncer par ses nombreux amis arabes, et accompagné par son propre frère. Des inquiétudes personnelles me forcent à renoncer à cette route et à reprendre celle de Nazareth et du Mont Carmel, où j'espère trouver des express et des lettres de Beyrouth. Cependant nous remontâmes à cheval pour longer, jusqu'au bout de la mer de Tibériade, les bords sacrés du beau lac de Génézareth. La caravane s'éloignait en silence du village où nous avions dormi, et marchait sur la rive occidentale du lac, à quelques pas de ses flots, sur une plage de sable et de cailloux, semée çà et là de quelques touffes de lauriers, roses et d'arbustes à feuilles légères et dentelées, qui portent une fleur semblable au lilas. À notre gauche, une chaîne de collines à pic, noires, dépouillées, creusées de ravines profondes, tacheté de distance en distance par d'immenses pierres et par ces volcaniques, s'étendait tout le long du rivage que nous allions côtoyer, et, s'avançant en promontoire sombre et nu, à peu près au milieu de la mer, nous cachait la ville de Tibériade et le fond du lac du côté du Liban. Nul d'entre nous n'élevait la voix, toutes les pensées étaient intimes, pressées et profondes, tant les souvenirs sacrés parlaient haut dans l'âme de chacun de nous. Quant à moi, jamais aucun lieu sur la terre ne me parla au cœur plus fort et plus délicieusement. J'ai toujours aimé à parcourir la scène physique des lieux habités par les hommes que j'ai connus, admirés, aimés ou révérés, parmi les vivants comme parmi les morts. Le pays qu'un grand homme a habité et préféré, pendant son passage sur la terre, m'a toujours paru la plus sûre et la plus parlante relique de lui-même, une sorte de manifestation matérielle de son génie, une révélation muette d'une partie de son âme, un commentaire vivant et sensible de sa vie, de ses actions et de ses pensées. Jeune, j'ai passé des heures solitaires et contemplatives, couché sous les oliviers qui ombragent les jardins d'Horace, en vue des cascades éblouissantes de Tibure. Je me suis couché souvent le soir, au bruit de la belle mer de Naples, sous les rameaux pendants des vignes, auprès du lieu où Virgile a voulu que reposât sa cendre, parce que c'était le plus beau et le plus doux si tous ses regards se fussent reposés. Combien plus tard j'ai passé de matins et de soirs assis au pied des beaux châtaigniers, dans ce petit vallon des Charmettes, où le souvenir de Jean-Jacques Rousseau m'attirait et me retenait par la sympathie de ses impressions, de ses rêveries, de ses malheurs et de son génie, ainsi de plusieurs autres écrivains ou grands hommes dont le nom ou les écrits ont fortement retenti en moi. J'ai voulu les étudier, les connaître dans les lieux qui les avaient enfantés ou inspirés, et presque toujours un coup d'œil intelligent découvre une analogie secrète et profonde entre la patrie et le grand homme, entre la scène et l'acteur, entre la nature et le génie qui en fut formé et inspiré. Mais ce n'était plus un grand homme ou un grand poète dont je visitais le séjour favori ici-bas. C'était l'homme des hommes, l'homme divin, la nature et le génie et la vertu fait chair, la divinité incarnée, dont je venais adorer les traces sur les rivages mêmes où il en imprima le plus, sur les flots mêmes qui le portèrent, sur les collines où il s'asseyait, sur les pierres où il reposait son front. Il avait, de ses yeux mortels, vu cette mer, ses flots, ses collines, ses pierres, ou plutôt cette mer, ses collines, ses pierres l'avaient vu. Il avait foulé 100 fois ce chemin où je marchais respectueusement. Ses pieds avaient soulevé cette poussière qui s'envolait sous les miens. Pendant les 3 années de sa mission divine, il va et vient sans cesse de Nazareth à Tibériade, de Jérusalem à Tibériade. Il se promène dans les barques des pêcheurs sur la mer de Galilée, il en calme les tempêtes, il y monte sur les flots en donnant la main à son apôtre de peu de foi comme moi, main céleste dont j'ai besoin plus que lui dans des tempêtes d'opinion et de pensées plus terribles. La grande et mystérieuse scène de l'Évangile se passe presque tout entière sur ce lac et au bord de ce lac, et sur les montagnes qui entourent et qui voient ce lac. Voilà Emmaüs, où il choisit au hasard ses disciples parmi les derniers des hommes, pour témoigner que la force de sa doctrine est dans sa doctrine même, et non dans ses impuissants organes. Voilà Tibériade, où il apparaît à Saint-Pierre, et fonde en 3 paroles l'éternelle hiérarchie de son Église. Voilà Capharnaüm, voilà la montagne où il fait le beau sermon de la montagne. Voilà celle où il prononce les nouvelles béatitudes selon Dieu. Voilà celle où il s'écrie « J'ai pitié de la foule ». Marc 8, 2, et multiplie les pains et les poissons, comme sa parole enfante et multiplie la vie de l'âme. Voilà le golfe de la pêche miraculeuse. Voilà tout l'Évangile enfin, avec ses paraboles touchantes et ses images tendres et délicieuses qui nous apparaissent telles qu'elles apparaissaient aux auditeurs du divin Maître, quand il leur montrait du doigt l'agneau, le bercail, le bon pasteur, le lys de la vallée. Voilà enfin le pays que le Christ a préféré sur cette terre, celui qu'il a choisi pour en faire l'avant-scène de son drame mystérieux, celui où, pendant sa vie obscure de 30 ans, il avait ses parents et ses amis selon la chair, celui où cette nature dont il avait la clé lui apparaissait avec le plus de charme, voilà ces montagnes où il regardait comme nous se lever et se coucher le soleil qui mesurait si rapidement ses jours mortels. C'était là qu'il venait se reposer, méditer, prier, et aimer les hommes et Dieu. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.